Dialogue. Entretien avec le conseiller d'orientation. Écoutez. As-tu déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui, j'aimerais travailler dans un laboratoire d'analyse. Quelle section dois-je choisir? Tu as deux possibilités. En rentrant dans une seconde T pour préparer un bac F, tu pourras tout de suite après travailler. Ou alors, quelle est la deuxième solution? Quand tu auras passé un bac C ou B, tu prépares un BTS de biologie. Mais est-ce que tu sais en quoi consiste le travail d'une laborantine? Oui, ma cousine fait ce métier. Alors, dès que je peux, je passe la voir faire des études au microscope, des analyses. Répétez. As-tu déjà une idée de ce que tu veux faire plus tard? Oui, j'aimerais travailler dans un laboratoire d'analyse. Quelle section dois-je choisir? Tu as deux possibilités. En rentrant dans une seconde T pour préparer un bac F, tu pourras tout de suite après travailler. Ou alors, quelle est la deuxième solution? Quand tu auras passé un bac C ou D, tu prépares un BTS de biologie. Mais est-ce que tu sais en quoi consiste le travail d'une laborantine? Oui, ma cousine fait ce métier. Alors, dès que je peux, je passe la voir faire des études au microscope, des analyses.